vit un vrai jardin d'Éden, bien situé dans les Ardennes, au sein d'une belle campagne. Il me manque juste une compagne. L'autre jour, une demoiselle s'extasiait devant mes cyprès, trouvant cette occasion trop belle. Je lui dis, viens voir de plus près. Il y a dans mes jardins des biches qui ne sont jamais aux abois. Les chiens sont sages dans leur niche, pas un loup ne rôde dans ses bois. On fait le tour du propriétaire, je lui montre les oies, les cerfs. La belle montre un peu de dédain pour les jarres, les daims, les jardins. Faut vite changer de plan. Je la conduis vers mes beaux plans, où elle arbore un air coquin, devant laurier teint. Alors nous allons au verger, elle croque une pomme à pleines dents, pour m'avoir tant encouragé. Elle vit le cerf, le pan, le serpent.